Comme chaque lundi, nous parlons de l'humain, du vivant et aujourd'hui, du diabète. Le diabète touche aujourd'hui 400 millions de personnes dans le monde, dont 100 millions aux États-Unis et 3,5 millions en France, où le nombre de patients augmente d'environ 3% par an. Une étude récemment publiée, aujourd'hui même d'ailleurs par l'INSERM, donne un peu d'espoir en montrant qu'une alimentation riche en antioxydants, comme le chocolat noir, le thé, les noix ou les pruneaux, fait diminuer de 27% le risque de diabète de type 2 chez les 64 000 femmes qui ont été suivies entre 1993 et 2008. Alors qu'est-ce que le diabète? Comment différencier ces différents types? Peut-on l'éviter? Et comment le soigne-t-on? À quoi peut-on attribuer l'augmentation régulière du nombre de patients diabétiques au point que l'on peut se demander s'il ne faut pas parler d'une véritable épidémie? Diabète, peut-on parler d'une épidémie silencieuse? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Bienvenue dans la méthode scientifique. Pour mieux comprendre cette maladie, et nous sommes à la veille d'ailleurs de la journée mondiale du diabète, le 14 novembre, nous avons le plaisir de recevoir en direct Anne Fago-Campagna. Bonjour. Bonjour. Vous êtes endocrinologue, responsable du département d'études sur les pathologies et les patients à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. C'est bien cela? C'est exact. Je suis épidémiologiste et endocrinologue. Voilà. Jean-Pierre Rivelin, bonjour. Bonjour. Vous êtes diabétologue, on peut appeler votre spécialité comme ça? Oui, diabétologue, endocrinologue. Endocrinologue à l'hôpital Lariboisière à Paris. Et vous êtes secrétaire général adjoint de la Société francophone du diabète. Oui, c'est cela. Exact. Donc vous pouvez suivre cette émission comme chaque jour de la semaine en direct sur France Culture, mais également sur notre fil Twitter, @laméthodeFC. Anne Fago-Campagna, il paraît indispensable de commencer une telle émission, par préciser ce qu'est cette maladie, le diabète, d'autant qu'il existe plusieurs types de diabète. Alors, il existe en effet plusieurs types de diabète. On peut parler essentiellement du diabète de type 1 et du diabète de type 2, qui sont des maladies à l'origine, dont l'origine est différente. Le diabète de type 1 qui touche essentiellement les jeunes, mais aussi les adultes et les jeunes qui grandissent, bien sûr. Et le diabète de type 2, dont on parlait autrefois comme étant le diabète de la maturité, mais qui touche maintenant également des jeunes, dont des enfants. Alors, cette différence de type est très importante puisque ce ne sont pas du tout, Jean-Pierre Rivelin, les mêmes maladies, les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre. Absolument, celles n'ont en fait rien à voir l'une avec l'autre, ces deux pathologies. D'abord, il faut rappeler qu'elles ont quand même quelque chose en commun, c'est d'être un diabète qui se définit tout simplement par une concentration de sucre dans le sang supérieure ou égale à un taux qui est fixé mondialement, qui est de 1,26 g par litre. Et effectivement, le type 1 et le type 2 n'ont rien à voir. Le type 1 est une maladie bruyante qui apparaît très rapidement et les gens s'en rendent compte et sont traités assez rapidement. Bruyante, ça veut dire qu'ils se repèrent facilement. C'est-à-dire que les signes, absolument. Simplement, les gens urinent beaucoup et boivent beaucoup. Et donc, souvent, les parents s'alertent puisque ça concerne, dans la moitié des cas, des gens qui ont moins de 20 ans. Le diabète de type 2 est une maladie insidieuse, silencieuse, pas forcément symptomatique, c'est-à-dire que les gens ne se connaissent pas malades. Et donc, malheureusement, de ce fait, eh bien, des complications peuvent apparaître. Et donc, il est important de dépister ces maladies. Alors, Anne Fago-Campagna, deux types de diabète, donc, et une prévalence, c'est-à-dire un nombre de patients très différent suivant les deux types. Oui, tout à fait. Donc, sur le diabète en général, donc, vous avez bien parlé d'une prévalence au niveau de la France qui est de 5,4% et qui augmente de façon très importante puisque en 2006, cette prévalence était de 3,8% seulement. Donc, on a une augmentation très forte de cette prévalence et 92% des cas sont liés au diabète de type 2. Il n'empêche que le diabète de type 1 augmente aussi, mais proportionnellement l'augmentation du nombre de personnes diabétiques touchées par le type 1 est beaucoup plus faible, bien sûr, que le diabète de type 2, qui lui est très lié à l'âge. Et compte tenu de la croissance de la population et du vieillissement de la population surtout, on a là une explosion des cas de diabète de type 2. Aujourd'hui, quand on prend la population âgée de plus de 55 ans, on a environ 11% de la population qui est diabétique. Oui, ce qui est considérable. Jean-Pierre Yveline, est-ce que vous constatez ce glissement du diabète de type 2 vers des âges plus jeunes, enfin vers des patients? Oui, malheureusement, on le voit. Et on voit avant, quand dans les années 90, on disait classiquement le diabète apparaissait après l'âge de 45 ans. Aujourd'hui, il n'est pas rare d'avoir des authentiques diabétiques de type 2 après l'âge de 30 ans. Et comme le disait Anne Fago-Campagna il y a peu... maintenant, il arrive d'avoir des adolescents qui démarrent un diabète de type 2, et c'est très favorisé par l'augmentation très importante de l'obésité chez l'adolescent. Alors, comment diagnostiquer peut-être, puisque en plus de ces chiffres qui sont déjà impressionnants, il apparaît que en France, mais aussi à l'étranger, aux États-Unis par exemple, le nombre de malades non diagnostiqués est relativement important. On parle de 20% des personnes diabétiques âgées de 18 à 74 ans. Anne Fago-Campagna. Alors, en France, il faut savoir que la glycémie, c'est-à-dire le dosage du sucre dans le sang, est l'examen biologique le plus fréquemment pratiqué. Dès qu'on va à l'hôpital ou même que le médecin prescrit une prise de sang, en général, on retrouve une glycémie. Il s'agit plus d'une glycémie qui a été méconnue, que dont le résultat n'a pas été suffisamment analysé ou n'a pas été suffisamment sérieusement pris en compte. Il faut savoir que dès qu'on a une glycémie qui commence à s'élever au-dessus de 1,10 g avant d'atteindre le seuil de 1,26 g, on parle déjà de prédiabète. Et ce stade-là est très important, je pense qu'on reviendra sur ce qu'il veut dire. Oui, alors les prédiabétiques aux États-Unis sont extrêmement nombreux, semble-t-il, puisqu'on parle de 80 millions sur les 100 millions de diabétiques de ce pays. Est-ce qu'on peut spécifier ce stade, Jean-Pierre Rivelin? Oui, pour définir un prédiabète, eh bien, comme l'a dit Anne, une glycémie à jeun permet déjà de le détecter lorsque la glycémie est très modérément augmentée, entre 1,10 et 1,26. Et là, on sait que le patient a un risque de devenir diabétique. Et, on le verra tout à l'heure, on peut agir dès ce stade pour prévenir la survenue du diabète. Il y a un autre moyen de le faire qui est moins utilisé, qui est un peu plus lourd, qui est le fait de faire ce qu'on appelle une hyperglycémie provoquée par voie orale, c'est-à-dire de faire ingérer par le patient du glucose et de regarder sa glycémie 2 heures après. Et si celle-ci est augmentée, eh bien, on a aussi un prédiabète. Alors voilà, donc le problème se résume à ce taux de sucre dans le sang, mais en réalité, les types 1 et type 2 suivent des mécaniques très différentes pour arriver à ce problème. Alors peut-être qu'il faut expliquer, Anne Fago-Campagna, peut-être le type 1, comment on parle de défaut de production d'insuline, pourquoi cela se produit-il? Alors dans le diabète de type 1, il y a eu une attaque qui a ciblé le pancréas. Dans le pancréas, il y a ce qu'on appelle les cellules bêta de Langerhans qui produisent l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui est capable de faire rentrer le sucre dans les cellules, donc de faire utiliser l'énergie par la cellule. Et dans le diabète de type 1, il y a donc anéantissement de ces cellules bêta et la personne ne peut plus sécréter assez d'insuline pour vivre. Et il va falloir avoir recours à des injections d'insuline pour pouvoir survivre. Et aujourd'hui, c'est tout à fait possible, bien sûr. Alors Jean-Pierre Yveline, le type 2, très différent. L'insuline est produite normalement par le pancréas, mais... Alors, elle n'est pas tout à fait programmée, c'est pas tout à fait normal. Mais si on reprend un petit peu pourquoi on a un diabète de type 2, donc on a vu que le diabète de type 1 avait une explication assez simple. Les cellules qui fabriquent l'insuline sont détruites. Dans le diabète de type 2, c'est plus compliqué. Il y a plusieurs anomalies qui coexistent. Comme dans le diabète de type 1, le pancréas fabrique moins d'insuline, mais il en fabrique quand même, comme vous l'avez souligné. Le pancréas arrive à fabriquer de l'insuline, mais pas assez. Donc il y a un petit déficit pancréatique, mais en plus cette insuline, elle agit. C'est comme une clé dans une serrure pour ouvrir les portes. Eh bien, l'insuline agit sur des formes de serrures qu'on appelle des récepteurs, au niveau du foie, au niveau du muscle, ça fait rentrer le sucre. Eh bien, cet effet est altéré. Ce qu'on appelle une résistance à l'action de l'insuline, c'est favorisé par la sédentarité, on va y revenir, par l'obésité. Eh bien, c'est le diabète de type 2 survient parce qu'il y a la conjonction d'une carence de sécrétion d'insuline, le pancréas fabrique moins d'insuline, et d'une résistance à l'action de l'insuline. Alors cette résistance, peut-être il faut en dire deux mots, c'est-à-dire ce sont les cellules qui sont plus capables d'assimiler le sucre, qui est la source d'énergie dont vous avez parlé tout à l'heure. Exactement. Il y a, par exemple, dans le muscle, l'insuline fait rentrer le glucose dans le muscle. Eh bien, cet effet-là est altéré par la résistance à l'insuline. Vous écoutez La Méthode Scientifique sur France Culture, émission consacrée aujourd'hui au diabète avec nos deux invités, Anne Fagot-Compagnat, endocrinologue à la CNAM, et Jean-Pierre Rivline, diabétologue à l'hôpital Lariboisière à Paris. Tout de suite, une archive INA de 2007 sur la greffe de cellules pancréatiques réalisée en 1997 et qui supprime le recours aux injections d'insuline pour le traitement du diabète. Isabelle Mühlmann s'offre un petit extra sucré, mais c'est un jour exceptionnel pour cette diabétique, ou plutôt ancienne diabétique. Cela fait 10 ans aujourd'hui en effet qu'elle vit sans ses injections d'insuline. Et de sa naissance jusqu'en 96, elle a reçu 30 000 piqûres de cette hormone. Mais en 1997, les chirurgiens du CHU de Genève lui ont greffé des cellules pancréatiques. Ces cellules, productrices d'insuline, provenaient d'un donneur décédé. Elles ont été injectées par la veine porte pour aller dans le foie d'Isabelle, et depuis 10 ans, ça tient. Oui, j'ose partir, j'ose me promener sans me dire « Attends, il faut emporter tes sucres dans la poche, il faut que tu prennes ton téléphone. Je pars tranquille. » Pour les spécialistes, ce succès ne doit pas faire oublier qu'il y a encore des progrès à faire. Si ça doit progresser dans les années qui viennent, il faudra effectivement qu'on ait des traitements anti-rejet qui soient à la fois plus efficaces et mieux tolérés sur le long terme. Donc c'est là-dedans que la recherche essaye d'avancer. Et puis l'autre obstacle qui fait qu'on ne peut pas non plus proposer ce genre de greffe à tous les patients, c'est que les greffons ne courent pas les rues. En collaboration avec 8 hôpitaux français, l'hôpital Genevois a déjà greffé 74 patients diabétiques. Alors cette archive de l'INA où l'on entend Jean-Daniel Fezakier sur France 2, le 8 mars 2007, nous conduit à la deuxième partie de cette émission où nous allons parler des traitements du diabète. Mais peut-être tout de suite, Jean-Pierre Rivline, où en est-on de ces greffes? Là, nous sommes en 2007, donc la greffe a eu lieu 10 ans plus tôt, en 1997, et nous sommes 10 ans plus tard, c'est-à-dire en 2017. Alors que s'est-il passé entre-temps? Eh bien, le problème reste le même. Les greffes pour le diabète, il y en a de deux catégories. Soit on greffe un organe complet, donc c'est une transplantation pancréatique, qui est un geste assez lourd d'un point de vue chirurgical, qui a quelques complications post-opératoires, mais qui a un assez bon succès à plus long terme lorsque la première année s'est bien passée. Il y a une méthode dont parle le professeur Pierre-Yves Benamou, qu'on a entendu dans ce témoignage, qui est moins lourde d'un point de vue chirurgical, qui est d'isoler à partir d'un pancréas d'un donneur décédé, seulement les cellules qui fabriquent l'insuline, on appelle ça les îlots, et de mettre ces îlots dans la veine qui va vers le foie, on appelle ça la veine porte. Alors, il y a des avantages qui est que, avec un peu de succès, eh bien, le patient peut arrêter les injections d'insuline, donc ça marche pas trop mal à court terme. Et quelques inconvénients qui est que le patient doit quand même prendre des médicaments immunosuppresseurs pour éviter les rejets. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Les immunosuppresseurs sont de moins en moins lourds, mais il y a quand même un risque infectieux notable. Et enfin, le succès à 5 ans, c'est-à-dire le fait que le patient n'ait plus à faire d'injection, ce succès s'améliore d'année en année, mais à 5 ans, il reste à peu près de 60%. C'est-à-dire que ces îlots, pour certains patients, eh bien, n'arrivent pas à rester fonctionnels sur le long terme. Alors, ça veut dire que ces greffes concernent le foie, touchent le foie et non plus le pancréas. Alors, c'est les cellules qui sont d'origine pancréatique, oui, qui vont se coincer dans le foie et qui arrivent à sécréter de l'insuline dans ce site qui n'est pas du tout physiologique. Et pourquoi le foie et pas le pancréas? Alors, ce site a été trouvé parce qu'il est extrêmement accessible. La procédure est très légère. Il n'y a pas besoin d'une intervention chirurgicale. Cette procédure peut se faire en radiologie. On cathétérise, c'est-à-dire on aborde la veine porte et on administre les îlots de cette manière qui est bien moins lourde qu'une intervention. Alors il y a ces greffes dont on reparlera effectivement des différents types de traitements du diabète, mais pour le type 1 par exemple, peut-être qu'on peut donner les grands moyens d'action pour soigner le diabète. Donc Anne Fagot-Compagnat, comment aujourd'hui, quels sont les traitements essentiels pour cette maladie? Pour le diabète de type 1, voilà. Pour le diabète de type 1, on n'a pas le choix en quelque sorte. Il faut faire des injections d'insuline pour pouvoir vivre, puisque cette hormone n'existe plus. Après, il y a des modalités d'injection différentes, et c'est ce qui est intéressant. Et toute la technologie a évolué très fortement sur ces méthodes d'injection. Alors les méthodes, c'est la pompe à insuline par exemple, Jean-Pierre Rivline, est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, il y a donc les deux possibilités pour traiter un diabète de type 1. Soit c'est un traitement par multi-injection, donc c'est des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes, ou même des adultes plus âgés, qui s'injectent de l'insuline. En général, il faut 4 injections par jour, minimum. L'alternative, effectivement, c'est d'éviter ces injections en portant un petit appareil qui administre de manière continue une insuline d'action immédiate. C'est ce qu'on appelle une pompe à insuline. Mais attention, ces pompes à insuline, telles qu'elles sont utilisées pour l'instant en France, ne sont pas des appareils intelligents. C'est-à-dire que le patient doit régler ses doses lui-même en fonction des mesures de glycémie qu'il fait au bout du doigt. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'automatisation de... Pour l'instant, ce système d'autonomisation est en cours d'évaluation. Ça avance, avance vraiment de manière très très rapide. Donc on pense pouvoir utiliser ces systèmes au quotidien d'ici quelques mois ou années. Mais aujourd'hui, pour l'instant, c'est encore manuel. Donc ça veut dire que le patient doit faire ses mesures de glycémie et ensuite déterminer par lui-même quelle sera la dose d'insuline qu'il va injecter. Oui, nous avons des patients qui deviennent des gens très savants, parce qu'on les éduque, ils s'approprient leur maladie, et eux-mêmes changent les doses d'insuline en fonction des résultats. Malgré tout, il semble que ce soit difficile de trouver le bon dosage qui permet une forme de stabilisation du taux de sucre dans le sang. Vous avez dit là un des points cruciaux qui altère la qualité de vie des patients diabétiques. Parce qu'en fait, c'est pas si simple. C'est pas dans une formule mathématique qu'on peut savoir quelle dose d'insuline on doit se faire, parce que beaucoup de choses peuvent jouer. Par exemple, une activité physique, par exemple une émotion, par exemple une petite infection. Donc tout peut changer à travers des critères qu'on comprend. Et parfois des éléments qu'on ne comprend pas toujours. Donc c'est pas simple. Anne Fagot-Campagnard, c'est ça un peu la difficulté, c'est d'être capable de, en permanence, trouver le bon équilibre, le bon dosage. Et semble-t-il, les patients ont du mal à cause effectivement d'une variabilité extrême. Alors on est dans la physiologie très fine de l'humain, hein. On est dans l'hormonologie, donc l'insuline elle-même agit sur différentes composantes, et c'est vrai que quand elle est injectée par pompe, on a une action plus proche du physiologique, mais qui ne remplace pas ce que ferait l'insuline endogène, c'est-à-dire l'insuline sécrétée directement par le pancréas. Alors la question, c'est le patient étant transformé un peu en médecin, hein, puisqu'il est lui-même décisionnaire en la matière, est-ce qu'il y a des risques, par exemple, effectivement, de sous-dosage de l'insuline ou de surdosage de l'insuline par le patient lui-même? Quels sont les risques associés à cette variation, Jean-Pierre Rivlin? Alors, un des risques les plus importants de l'insuline, c'est le risque de ce qu'on appelle des hypoglycémies, c'est-à-dire qu'il y a trop d'insuline. Donc parfois elles sont prévisibles, on peut les corriger, par exemple le patient a trop dosé ou pas assez mangé par exemple, ou alors il a eu une activité physique qui était prévisible. Et parfois ces hypoglycémies sont absolument imprévisibles et on analyse de manière précise tous les éléments, on trouve pas forcément d'explication. Il faut quand même un peu dédramatiser parce que aujourd'hui, on a quand même des moyens notamment les pompes à insuline mais également des systèmes qui mesurent de manière continue le glucose qui permet de stabiliser les diabètes très instables et les nombres d'hypoglycémies. L'hypoglycémie a quand même nettement diminué ces dernières années. Quel est le risque de l'hypoglycémie dans ce cas-là? Alors au début, c'est un malaise qui fait qu'un patient peut être par exemple dans une réunion, dans sa vie professionnelle ou personnelle, et être gêné par des signes qui l'arrêtent, qui le gênent, comme par exemple des palpitations, des sueurs, des tremblements. Il a également un cerveau qui fonctionne un petit peu moins bien. Donc là, il le ressent et se resucre. Le problème, c'est qu'avec le temps, certains diabétiques ressentent moins ces hypoglycémies et le risque, c'est d'avoir des troubles de conscience. Anne Fagot-Campagnard, est-ce qu'il est vraiment dangereux de subir une telle hypoglycémie? Et on peut se poser la question de l'hyperglycémie. En fait, le patient diabétique navigue, j'imagine, entre ces deux extrêmes ou ces deux excès et doit sans cesse s'ajuster. Sont les deux écueils, l'hypoglycémie d'un côté et l'hyperglycémie de l'autre côté, avec pour le diabète de type 1, le risque quand même d'acidocétose, c'est-à-dire la complication grave du diabète qui peut survenir d'ailleurs au moment du diagnostic, hein, quand on ne connaît pas la maladie, mais aussi par exemple quand une pompe se bloque et que le patient ne reçoit plus d'insuline du tout et n'en a pas conscience. Bon, ceci dit, avec la technique, avec l'éducation, ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique, toute l'autonomisation dont sont capables, hein, les personnes qui subissent cette maladie, on peut diminuer ce risque. Mais il faut pour cela fixer un objectif thérapeutique à la personne qui permette de minimiser minimiser à la fois le risque d'hypoglycémie et le risque d'hyperglycémie. Cet objectif, il est fixé en fonction des caractéristiques de la personne, de son état de santé, de sa volonté aussi, de sa capacité à s'investir dans la maladie. Et il est fixé avec le médecin traitant ou le médecin endocrinologue. Et c'est ce qu'on appelle le dosage de l'hémoglobine liquée ou des glycémies qu'on fait en surveillance, en capillaire. Voilà, cet objectif est fixé d'un commun accord et dépend de chaque personne. Il est personnalisé. Ça veut dire que le patient doit tenir compte, intégrer des facteurs comme son activité physique de la journée, les émotions dont parlait Jean-Pierre Yveline tout à l'heure, enfin des facteurs qui sont extrêmement variables dans la vie quotidienne. Tout à fait. Et ça s'apprend ? Ça s'apprend. Ça s'apprend. Je pense que les personnes diabétiques de type 1 souvent sont extrêmement compétentes sur leur maladie. Alors elles ont en face d'elles des médecins, des endocrinologues pour leur rendre au miroir, les aider à interpréter ce qu'il se passe dans leur vie. Mais sont très souvent des personnes qui, dès l'enfance, parfois l'adolescence ou la vie de jeune adulte, apprennent à gérer tout ça en fonction de leur compétences à elles-mêmes et puis de ce qui survient dans les événements de leur vie. Alors, pour le type 2, semble-t-il, Jean-Pierre Yveline, peut-être moins d'arriéré, enfin moins d'expérience accumulée, puisque ça arrive parfois tard dans la vie. Alors, comment, dans ce cas-là, quelle est l'attitude du patient ? En fait, dans le diabète de type 2, ce qui est un peu compliqué, pour répondre à votre question, c'est qu'en fait, c'est une maladie dite très polymorphe. C'est-à-dire qu'il y a tout un continuum de patients qui, finalement, quand on les regarde, n'ont finalement rien à voir les uns avec les autres. Il y a des patients diabétiques de type 2 qui sont en surpoids, voire obèses, qui sont très sédentaires. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur cette question. Et qui ont une hyperglycémie qui peut tout à fait se résoudre avec tout simplement, et ce qui n'est pas forcément simple à faire, mais simple à dire, tout simplement en prenant en charge les règles génodiététiques, c'est-à-dire en lui apprenant à se nourrir convenablement et avoir une activité physique. D'autres ont besoin de traitements médicamenteux. Pas forcément de surveillance glycémique très rapprochée, mais les règles génodiététiques toujours, encore et toujours, associées à quelques traitements médicamenteux. Et certains, parce que le pancréas est épuisé, ceux-là ont besoin d'insuline. Et dans ce cas-là, on revient à la situation précédente, c'est-à-dire ça ressemble un peu au diabète de type 1. Est-ce qu'on peut avoir les deux finalement, diabète, c'est-à-dire une insuffisance de production d'insuline, et aussi le type 2, c'est-à-dire l'incapacité des cellules à accepter ou à traiter à synthétiser, c'est ça, le sucre. Pour être précis, c'est deux pathologies qui se ressemblent, mais qui sont très distinctes d'un point de vue de ce qu'on appelle la physiopathologie, c'est-à-dire les raisons qui mènent à ça. Donc un type 2 ne devient pas un type 1 parce qu'il a besoin d'insuline. C'est un type 2 qui a besoin d'insuline, mais les causes sont celles qu'on a décrites tout à l'heure. Maintenant, qu'un diabétique de type 1 peut aussi avoir un contexte familial de diabète de type 2, et dans ce cas-là, effectivement, les deux pathologies se rejoignent. Un contexte familial de diabète, vous voulez dire une hérédité ou... Oui, c'est-à-dire un diabète de type 1, il a un pancréas qui ne marche plus, et comme dans la population générale, il peut être obèse, il peut être très résistant à l'insuline, et dans ce cas-là, il a quelques éléments qui le rapprochent d'un diabète de type 2, mais il reste diabétique de type 1. Alors la question qui se pose, surtout quand on voit les chiffres dont on reparlera, Anne Fagot Compagna, c'est les causes de ce développement du diabète dans la société actuelle. Alors, il y a plusieurs facteurs de risque au diabète de type 2, puisque c'est lui qui représente plus de 92% des cas et donc la majorité de l'évolution de cette fréquence de la maladie. Parmi ces antécédents, il y en a certains avec lesquels on est et qu'on ne peut pas modifier. Il y a la génétique, et la génétique, c'est le composant principal du diabète de type 2, beaucoup plus que dans le diabète de type 1. Donc, quand on a des antécédents familiaux de diabète, ou quand on a déjà développé un diabète, en particulier pendant une grossesse, qu'on appelle le diabète gestationnel, on est à risque de développer un diabète. Et il y a aussi des origines ethniques. Par exemple, dans les départements d'outre-mer, le diabète est beaucoup plus fréquent, ainsi que dans la population qui provient du Maghreb ou d'Afrique, et qui vit en France. Donc ça, c'est, je dirais, l'apport génétique. Et dans le diabète de type 2, il y a une interaction extrêmement forte entre génétique et environnement. C'est-à-dire avec une génétique très forte, donc des gènes dans lesquels sont imprimés ce risque de diabète, en coexistence avec un environnement qui est défavorable, c'est-à-dire une sédentarité importante, un surpoids, une obésité, un stress aussi probablement social, puisque c'est quelque chose qu'on rencontre davantage dans les populations défavorisées, eh bien le diabète de type 2 peut éclore. Et on a des exemples assez impressionnants sur ce sujet-là, puisqu'on voit que dans les départements d'outre-mer, qui sont des populations pour lesquelles le taux d'obésité est assez élevé, si vous regardez les personnes diabétiques en Outre-mer, elles sont moins obèses que les populations diabétiques qui vivent en métropole. Ceci illustre complètement le fait que pour développer un diabète, parce qu'elles ont un risque génétique très élevé, les populations des départements d'outre-mer atteignent un seuil, un niveau de surpoids ou d'obésité moins élevé pour développer un diabète. On a aussi une expérience remarquable qui vient des États-Unis, qui concerne les Indiens Pima, donc des Amérindiens qui vivent en Arizona, et là, près de la moitié de la population est diabétique de type 2. Cette population vivait autrefois de récoltes, très paisiblement, disons, mais avec des épisodes, disons, de famine et des épisodes d'abondance. Et on a posé l'hypothèse d'un gène de l'économie qui fait qu'en période de disette, ces personnes-là peuvent stocker l'ensemble des calories ingérées, surtout au niveau abdominal, au niveau des graisses abdominales, et en période de famine, vont consommer à minima, de façon à cause de ce gène de l'économie, ces calories. Et ce serait la raison pour laquelle ces Indiens Pima ont un si fort taux de diabète. Toutefois, on a repéré au Mexique les cousins de ces Indiens d'Arizona qui vivent au Mexique, mais dans un environnement très protégé, très rural. Et bien, dans cette population qui pourtant partage les mêmes gènes, il n'y a pas du tout le même niveau d'obésité et de diabète, ce qui montre toute l'importance de l'activité physique et de l'environnement pour faire éclore le diabète. Jean-Pierre Yveline, donc un facteur quand même génétique, d'une prédisposition qui est liée un peu à de l'épigénétique d'une certaine façon, c'est-à-dire à ce qui s'est passé dans les générations précédentes et qui ont pu modifier le génome pour l'adapter à des situations de famine ou d'abondance. Donc c'est aussi une histoire qui se greffe sur le patient et son héritage. Absolument, vous avez cité les deux mots-clés, génétique et épigénétique. C'est très compliqué comme concept, mais c'est tout à fait les éléments qui déterminent la transmission du diabète de type 2. Un sujet qui a un des deux parents diabétiques, il a 40% de risque d'avoir un diabète de type 2. Et alors, on a cherché les gènes qui sont impliqués. On en a trouvé plus de 100. Il y en a à peu près 120 ou 130 gènes impliqués dans le diabète. C'est pas des mutations, c'est des petites différences qu'on appelle des polymorphismes. Eh bien, quand on les regarde isolément, ces gènes, eh ben, ils ont un pouvoir assez faible. Grosso modo, si on regarde globalement, la génétique explique environ 15% de la transmission du diabète de type 2. Et l'élément qui semble être tout à fait important en ce moment, c'est l'épigénétique. C'est pas des modifications des gènes, c'est l'environnement qui peut être une sédentarité, qui peut être une obésité, qui va modifier pas la succession des gènes, mais plutôt la manière dont ces gènes s'expriment. C'est des modifications qui s'expriment à assez court terme. On n'est pas dans le darwinisme ici, on est dans une adaptation très rapide qui fait que un individu dans un environnement donné, qui peut être de l'obésité par exemple, eh bien va changer l'expression de ses gènes et devenir davantage diabétique. Et ce changement d'expression se transmet. C'est transmissible. D'une génération à l'autre. Et c'est pour ça qu'avec l'épigénétique, on dépasse les 15% d'explication de la transmission du diabète. Et donc, est-ce qu'on en tient compte dans vos chiffres, par exemple, est-ce qu'on a une idée de l'impact de la génétique pour expliquer les évolutions actuelles et en particulier l'augmentation de la prévalence du diabète? Alors, on n'a pas dans nos données, malheureusement, tout le chaînage, disons, génétique. Mais on peut le voir dans des populations à haut risque, puisque les populations issues du Maghreb qui vivent en France ont un taux de diabète très élevé. On le voit aussi sur l'île de la Réunion, où le taux est deux fois supérieur à celui de la métropole. Donc on l'observe. On a du mal encore à en tenir compte. On peut en tenir compte dans le dépistage. C'est-à-dire que quelqu'un qui, dans sa famille, a des antécédents familiaux de diabète ou a déjà développé un diabète, par exemple une maman au cours d'une grossesse, on sait très clairement que là, cette personne possède un risque très élevé de développer un diabète. On a un risque multiplié par 5 quand on est en stade de prédiabète, de développer un diabète ou d'avoir des complications cardiovasculaires. Lollipop de Mika sur France Culture à 16h32, où nous parlons en direct aujourd'hui du diabète avec Anne Fagot-Compagna, endocrinologue à la CNAM, et Jean-Pierre Rivline, diabétologue à l'hôpital La Riboisière à Paris. Nous avons parlé de ces deux types de diabète, le type 1 et le type 2, et même si c'est le type 2 qui est nettement plus développé, nous allons voulu en savoir plus sur le diabète de type 1, qui est une maladie auto-immune dont les mécanismes sont encore assez mal connue. Cécile Lausanne est allée à l'hôpital Cochin pour en savoir plus sur la recherche actuelle sur cette maladie. Cécile. Oui, Céline, bonjour. Pardon. Alors moi, c'est Céline Lausanne. Et donc, oui, effectivement, dans le diabète de type 1, c'est vraiment l'auto-immunité qui est au cœur des nouvelles stratégies de recherche. Car même si l'insuline reste le traitement de référence, le vrai problème pour les chercheurs, ça reste de savoir apprivoiser le système immunitaire. Et pour voir quelles sont les pistes en immunothérapie, je suis allée voir Christian Boitard, il est médecin et chercheur dans l'équipe immunologie des diabètes. Son expérience à la fois auprès des patients et ses études cliniques sur les modèles animaux ont permis une meilleure compréhension de la maladie et même peut-être d'envisager un vaccin. Alors les résultats sont encourageants, mais l'enjeu maintenant est de tester cela chez l'homme. Le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune. Les premières indications qu'on a eues de ça, c'est le travail de Willy Gates en 1965, qui a montré que autour des îlots de l'enquérance, et dans les îlots de l'enquérance, il y avait un infiltrat par des lymphocytes chez les gens qui avaient un diabète insulino-dépendant. Et en fait, dans le diabète de type 1, l'auto-immunité est vraiment dirigée par les lymphocytes T, et c'est ça l'élément qui est important. Alors, quelles sont les méthodes que vous avez pu mettre en application pour arriver à mieux caractériser les antigènes, les... On utilisait, dès le début des années 80, des anticorps monoclonaux. On avait des anticorps monoclonaux qu'on avait pu générer, qui reconnaissaient le complexe majeur d'histocompatibilité. Et on montrait que quand on bloquait ça, on prévenait chez le rat la survenue de cette maladie auto-immune qui était un diabète. C'est-à-dire qu'avant, les symptômes, on arrivait à prévenir une maladie pour éviter que les lymphocytes T s'attaquent aux cellules bêta des îlots de Langerhans. Alors, en fait, dans les modèles animaux qu'on a utilisés, ensuite, il y a un modèle qui est arrivé dans les laboratoires américains et européens au milieu des années 80, qui était un modèle de souris. Et dans ces modèles-là, tout ce qui a été fait par la suite, et nous au laboratoire, on a travaillé beaucoup là-dessus pendant 10 ans, comment bloquer la maladie, ce dont on s'est rendu compte, c'était beaucoup plus facile de la prévenir, paradoxalement, que de la guérir une fois qu'elle était installée. Alors que quand on applique ces traitements-là précocement, ça fait 30 ans qu'on sait prévenir la maladie. Oui, mais dans le même temps, on sait que c'est une maladie qui est peut-être d'origine génétique et qui se déclare assez jeune. Est-ce qu'on arrive à prévenir suffisamment tôt ? Dans la maladie humaine, ce qui reste à mon avis un point d'interrogation, c'est quand est-ce que la maladie commence ? L'apparition des auto-anticorps, qui est la première marque de la maladie, même s'il n'y a pas de maladie encore, la glycémie reste normale, les auto-anticorps, on commence à les détecter très tôt, vers l'âge de 2-3 ans, chez des gens qui font la maladie clinique, c'est-à-dire l'hyperglycémie, plusieurs années, voire parfois dizaines d'années plus tard. Et ce qu'on ne sait pas, je crois que ça c'est quelque chose qui était difficile à entrevoir encore il y a quelques années, mais dont on a de plus en plus conscience, c'est par exemple quand on voit un diabète chez de type 1, hein, insulinodépendant, auto-immun, avec tous les auto-anticorps chez un adulte qui a 30 ou 40 ans, quand est-ce qu'il a commencé la maladie ? Et évidemment, on n'a pas le recul dans les cohortes pour savoir s'il n'a pas été testé ce sujet-là à l'âge de 2 ou 3 ans. Donc on n'a pas le recul nécessaire pour pouvoir dire que ces sujets-là avaient en fait commencé l'auto-immunité plusieurs dizaines d'années avant, ou au contraire, ont déclenché l'auto-immunité de façon plus récente, par exemple à l'occasion de la rencontre d'un virus ou d'un facteur exogène qu'on sait pas identifier. Et vos travaux au sein de votre laboratoire sur les modèles animaux, notamment les souris, qu'est-ce que ça permet de tirer comme conséquence sur les pistes thérapeutiques ? Le seul intérêt des modèles animaux, c'est de poser des questions qu'on ne peut pas poser dans la maladie humaine. Donc en fait, c'est en permanence un aller-retour entre la maladie humaine qu'on voit quand je suis en consultation et les questions que ça pose et en gros, comment on pourrait les résoudre. Alors il y en a qu'on peut résoudre en étudiant les cellules humaines, hein, en prenant des lymphocytes circulants, des choses comme ça, mais il y en a qu'on ne peut pas résoudre. Et c'est là où les modèles animaux sont extrêmement précieux, parce qu'ils nous permettent de poser des questions qu'on ne peut pas poser chez l'homme. Et d'ailleurs, c'est des données qui ne sont pas encore publiées, mais un modèle de souris humanisées, qui sont des souris qui n'ont plus leur complexe majeur d'histocompatibilité, hein, elles sont invalidées pour tous ces gènes-là. On dit que c'est des souris knock-out. Hein. Et on a fabriqué une souris donc, qui était invalidée pour le complexe majeur d'histocompatibilité, invalidée pour les deux gènes de l'insuline, et qui exprime deux molécules du complexe majeur d'histocompatibilité de prédisposition au diabète de type 1, humaine, et l'insuline humaine. Et là, on est dans une situation où, lorsque cette souris chez laquelle on arrive à induire un diabète ou à faire développer un diabète, les fragments de l'insuline qui vont être présentés vont être présentés par les molécules du complexe majeur d'histocompatibilité humain. Donc l'ambition de ce modèle, c'est vraiment de pouvoir tester expérimentalement des peptides qu'on pourrait directement transposer à l'homme, puisque les structures sont identiques. Et on a pu démontrer comme ça que quand on invalidait l'un des deux gènes de l'insuline, on modifiait complètement la maladie auto-immune chez la souris. Et donc ça mettait l'insuline au centre du jeu. Chez l'homme, on n'a pas de réponse parce qu'on n'a que des arguments indirects, puisque évidemment, c'est une expérience qui est impossible à faire chez l'homme, évidemment. Et donc, est-ce qu'on pourrait envisager de mettre au point un vaccin ? Et évidemment, le but de ça, c'est d'aller un jour utiliser ces fragments pour faire... On appelle parfois ça de la vaccination, mais ce n'est pas un terme approprié, puisque c'est presque le contraire de la vaccination. Parce que dans la vaccination, ce qu'on cherche, c'est activer le système immunitaire contre un virus, une bactérie, etc. Là, ce qu'on cherche au contraire, c'est à abolir la réponse immunitaire contre l'auto-antigène. Mais c'est le même type de chose, c'est-à-dire qu'on utilise des fragments de protéines pour essayer, là, non pas d'induire, mais au contraire de freiner une réponse. Et je coordonne un projet européen de vaccination dans le diabète de type 1. Donc on est en train de tester ça chez l'homme. Et il y a eu un papier publié par un groupe anglais il y a 6 mois qui a caractérisé chez l'animal des peptides comme ça et l'a injecté chez l'homme avec des résultats qui, en tout cas, indiquent que l'approche mérite d'être poursuivie. Mais il y a une dimension de la maladie, je crois qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas sûr que tout le monde fasse exactement la même maladie. Il y a peut-être des gens qui le déclenchent d'une façon et des gens qui le déclenchent d'une autre façon. Et on a aussi des modèles de souris qui suggèrent qu'on peut induire un diabète avec des mécanismes qui ne sont pas strictement les mêmes. C'était le reportage de Céline Lozen à l'hôpital Cochin. Une réaction peut-être de nos invités sur cette perspective d'un vaccin contre le diabète, Jean-Pierre Rivelyne. C'est absolument captivant ce que fait Christian Boitard avec son équipe et notamment Roberto Malone qui travaille avec lui et qui a ses programmes de vaccination avec lesquels on travaille. Ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement les marqueurs de l'auto-immunité sont là de plus en plus tôt. Enfin, au moins c'est ce qu'on est en train de détecter. Donc il y a eu quand même quelques résultats avec des tests de vaccins pour le diabète, mais qui sont dont l'efficacité n'est que partielle. On n'arrive pas encore à arrêter les injections d'insuline chez un sujet, et ce que disent Christian Boitard et Roberto Malone, c'est qu'on arrive toujours trop tard. C'est-à-dire on arrive lorsque le diabète apparaît, et donc l'idée c'est de détecter les enfants à risque, peut-être même dès la naissance, pour pouvoir éventuellement agir très nettement en amont de la maladie. Et c'est là tout le problème. Anne Fago-Compagna, il y a aussi cette question qui est abordée par Christian Boitard de la variation du diabète d'une personne à l'autre, d'un individu à l'autre, et donc peut-être une difficulté supplémentaire pour mettre au point un vaccin unique pour tout le monde. On parle de plus en plus de, non pas de diabète de type 1 et de diabète de type 2, mais de plusieurs types de diabète et d'une médecine de plus en plus individualisée en termes de thérapeutique, en termes de prise en charge. Ce qui ne va pas simplifier l'équation ni réduire les coûts en général. Non, mais peut-être la rendre plus humaine aussi, plus adaptée à chacun. Alors, c'est justement une des questions, et c'est aussi présent dans ce reportage de Céline Lozen, c'est la question de savoir comment agir en amont. On voit bien que toutes les difficultés que l'on a à mettre au point des thérapies efficaces et définitives, alors que, semble-t-il, il est beaucoup plus facile d'essayer d'éviter l'apparition du diabète. Alors, la question est comment l'éviter ? Est-ce que on peut aujourd'hui se prémunir contre cette maladie ? Jean-Pierre Yveline. Alors, on l'a vu, pour le diabète de type 1, c'est aujourd'hui quasiment impossible. Parce que d'abord, on ne sait pas détecter les personnes à risque. On n'a pas encore d'action efficace là-dessus. En revanche, dans le diabète de type 1, de type 2, pardon, on sait faire. Et peut-être que c'est vraiment un axe à développer ces prochaines années. Déjà, on sait détecter les personnes à risque. Anne en a parlé tout à l'heure. Il s'agit des sujets obèses, des personnes qui ont des antécédents familiaux de diabète de type 2, des femmes qui ont fait un diabète uniquement pendant leur grossesse, ce qu'on appelle un diabète gestationnel. Et donc voilà des exemples de facteurs de risque qui confèrent aux patients un sur-risque de diabète de type 2 dans les années à venir, et on sait comment agir pour prévenir l'arrivée de la maladie. Anne Fago-Compagna. Alors, on a des essais cliniques qui sont vraiment remarquables dans ce domaine et qui ciblent ce dont on parlait, c'est-à-dire le pré-diabète, c'est-à-dire une glycémie qui est élevée, mais pas encore au seuil de diabète. Et ça, c'est fondamental parce que là, on est à un stade réversible. On peut faire diminuer ce niveau de glycémie avec une perte de poids. Et ça, une perte de poids relativement modeste, ça a été montré en particulier dans la Diabetes Prevention Program, qui est une étude américaine qui inclut, mais déjà, d'origine génétique très variée. Il y avait des Noirs américains, des personnes d'origine asiatique, des personnes d'origine hispanique, des personnes amérindiennes et des personnes des Américains blancs. Donc vraiment une diversité ethnique et sociale très importante. Et là, une prise en charge extrêmement importante qui modifiait le comportement alimentaire, l'activité physique et tous ces changements de comportement avec un accompagnement intensif a permis de diminuer l'arrivée du diabète de 58% des cas. Donc c'est quelque chose de vraiment très important, et c'est pour ça que l'assurance maladie va lancer prochainement une expérimentation sur trois régions de ce type pour cibler les personnes au stade de prédiabète, parce que c'est une étape vraiment très importante avant l'arrivée du diabète où on peut influencer les choses. Alors, d'autres études disent que chaque kilo en moins réduit de 7% le risque de diabète. Est-ce que vous confirmez ce genre d'estimation de alors, l'impact du poids? Ce qu'on conseille, c'est une diminution de 5 à 7% du poids corporel, hein, qui a un impact vraiment majeur sur l'arrivée du diabète. Jean-Pierre Yveline, il y a d'autres côté thérapie, en parallèle de ces mesures qui peuvent éviter la survenue du cancer, du diabète, est-ce que l'on peut dire un mot du pancréas artificiel dont on parle, qui semble-t-il existe aux États-Unis et pourrait être lancé en France en 2018? Alors là, on a changé de chapitre dans le pancréas artificiel parce que là, on parle de diabète de type 1. A priori, aujourd'hui, le pancréas artificiel sera tout d'abord et avant tout destiné au diabète de type 1, c'est-à-dire aux gens qui se piquent à l'insuline et qui doivent surveiller leur glycémie. Donc le pancréas artificiel, c'est une pompe à insuline dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est des jeunes qui doivent se piquer à l'insuline et qui peuvent porter une pompe à insuline. Mais cette fois-ci, à la différence de tout à l'heure, ces pompes sont intelligentes. C'est-à-dire qu'elles ont la capacité d'analyser la mesure du glucose, c'est-à-dire du diabète, toutes les secondes, de la recueillir, cette mesure, et d'avoir un algorithme intégré qui permet de calculer automatiquement la quantité d'insuline à administrer. Et donc ça, ces outils sont testés dans plusieurs pays dans le monde, aux États-Unis, en Angleterre, à Cambridge. Il y a aussi un programme français qui s'appelle Diabeloop qui est en cours. Est-ce qu'il y a une difficulté particulière à l'automatisation de ce genre de processus? Ça paraît pas absolument compliqué d'analyser le taux de sucre dans le sang et d'en déduire la dose d'insuline nécessaire. Alors, quand on prend un jeune, qu'on lui demande de s'asseoir toute la journée, de ne pas manger, de ne pas avoir d'activité physique, qu'il se passe rien de spécial dans sa vie, pas d'émotion, c'est facile. Ça se passe bien et les pancréas artificiels marchent très bien. Le problème, c'est que la vie, c'est pas ça. La vie, c'est courir, c'est manger, c'est avoir des émotions, des joies, des peines, etc. Et peut-être même des infections. Eh bien, tout ça, c'est assez compliqué pour un algorithme de le prévoir assez rapidement. Il y a une inertie qui fait que tous ces aléas de la vie quotidienne retentissent sur la glycémie. Et on a maintenant des pancréas artificiels qui s'adaptent de plus en plus vite à ces aléas de la vie quotidienne, mais on n'a pas encore de modèle parfait. On a maintenant des modèles qui sont automatiques et qui fonctionnent bien à l'état basal, c'est-à-dire la nuit par exemple. Dans la journée, le patient prend la main. On appelle ça des pancréas hybrides, c'est-à-dire mixtes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps de réponse suffisamment court pour s'adapter à un rythme de vie un peu agité. Pour l'instant, on n'est pas arrivé à faire la merveille qui est une cellule bêta, c'est-à-dire une cellule qui réagit de manière immédiate. Immédiate. Alors il y a une autre façon, il y a le perte de poids dont on a parlé pour du côté de la prévention, il y a aussi peut-être le régime et l'INSERM vient donc de publier cette étude qui montre que la consommation d'antioxydants peut avoir un effet bénéfique sur le diabète puisque cela a un impact sur de réduction de la prévalence du cancer. Du diabète. Est-ce que vous travaillez également, Anne Fagot Compagna, sur ces travaux, sur ces questions de régime et sur l'impact de certains nutriments sur le diabète et sur son développement? Alors, dans les données de l'assurance maladie, on n'a pas malheureusement les composants, enfin toute l'alimentation des personnes, on a les soins remboursés. Alors, c'est une étude intéressante, mais c'est une étude épidémiologique, c'est-à-dire pas un essai clinique. On met juste en relation des effets, on ne démontre pas l'impact d'un régime. Mais c'est sur une longue période, voilà. Sur 64 000 femmes. Mais c'est sur une longue période, tout à fait. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Après, les essais cliniques, eux, ont montré que la prise en charge nutritionnelle, donc la perte de poids accompagnée d'une activité physique importante, pouvait vraiment réduire de façon extrêmement majeure l'arrivée du diabète. Et je pense que ça, c'est quand même un message capital. Et en plus de tout ça, il y a d'autres messages importants. Le risque du diabète, il est lié au niveau glycémique, il est lié aussi aux autres facteurs qui accompagnent ce qu'on appelle l'insulinorésistance, qui sont l'élévation de la pression artérielle, la coexistence parfois d'un tabagisme. Et là, on parle de facteurs majeurs de complications du diabète, de complications cardiovasculaires, mais aussi de cancer, par exemple, dont vous parlez aussi. Oui, je parlais également. Par méprise. Si on parle du diabète, on a quand même 12 000 hospitalisations tous les ans pour infarctus du myocarde, c'est-à-dire deux fois plus que chez les personnes non diabétiques. On a 17 000 hospitalisations pour accident vasculaire cérébral. On a 22 000 hospitalisations pour une plaie du pied et plus de 8 000 personnes qui sont amputées d'un doigt de pied, d'un pied ou d'une jambe, c'est-à-dire un risque multiplié par 7 par rapport à une personne non diabétique. Quand on parle de l'insuffisance rénale chronique terminale, c'est-à-dire la dialyse, le stade de suppléance pour remplacer les fonctions du rein, donc la dialyse ou la greffe, on est à plus de 4200 personnes qui débutent un traitement pour dialyse et qui sont diabétiques, c'est-à-dire un risque multiplié par 9. Et c'est 42% des personnes qui débutent une dialyse qui sont aujourd'hui diabétiques. Donc un impact très important, alors qu'il y a des moyens de dépister précocement ces complications du diabète et de les traiter traiter précocement. Et ça, c'est un message capital, c'est-à-dire que la Haute Autorité de Santé définit un référentiel des examens à réaliser. Et on sait qu'encore aujourd'hui, dans notre système de soins, qui pourtant permet le remboursement de ces examens, eh bien, tous les patients n'en bénéficient pas. Alors Jean-Pierre Yveline, il semble aussi que le remboursement concerne les activités physiques qui maintenant sont prescrites un petit peu comme des traitements comme un autre. Oui, c'est une grande fierté de vivre dans un pays où la prescription de l'activité physique est rentrée dans la loi. Donc c'est quelque chose de possible. Il faut encore bien définir les moyens, comment cette prescription va se mettre en œuvre. Mais le test que va initier l'assurance maladie dans ce but sera tout à fait un test sur 3 régions et permettra de mieux comprendre comment fonctionne cette activité physique sur prescription avec des éducateurs sportifs qui sont spécialisés dans cette forme de prise en charge et qui aidera à la prise en charge de ces patients-là. Est-ce qu'il n'y a pas une petite révolution dans le fait de promouvoir ce type de thérapie par rapport à la prise de médicaments, enfin la mécanique classique de la médecine ? Alors, il n'y a pas forcément de compétition entre les deux. L'activité physique, c'est quelque chose de louable en prévention du diabète. Une fois que ça retarde la survenue du diabète, malheureusement, certains patients rentrent dans la maladie et ont besoin de traitements médicamenteux. Mais les règles hygiéno-diététiques sont requises à tous les stades de la maladie. Et donc ces programmes-là qui sont initiés maintenant dans quelques régions sont absolument clés à tout niveau de la maladie. Anne Fagot-Campagne. Alors il y a aussi des instruments qui deviennent disponibles pour les personnes diabétiques et pour les médecins et qui sont encore insuffisamment connus. Il y a par exemple le Médicosport qui est un dictionnaire qui recense l'ensemble des activités que l'on peut faire pour une maladie chronique particulière. Et il y a un moteur de recherche qui s'appelle Santé par le sport qui vous permet ou qui permet aux médecins de trouver à proximité une activité physique qui correspond à la pathologie de la personne et à son envie de réaliser une activité physique qui lui est adaptée et qui lui est attractive. Pour les médecins, une formation est-elle nécessaire pour justement être capable de prescrire des exercices physiques particuliers, voire un sport ? Alors une formation, je ne sais pas, plutôt une connaissance de ces outils, une connaissance du réseau associatif qui entoure et qui est en plein développement à côté. Et je pense que ça, c'est indispensable. Et ce site, le Santé par le sport, c'est quelque chose vraiment qui peut être utilisé, y compris directement par les patients. Alors, pour spécifier un petit peu ce terme d'épidémie que l'on a utilisé dans cette émission dès le départ, il faut peut-être juste mentionner le poids aujourd'hui que représente le diabète dans le remboursement des frais par la CNAM. On parle de quelques 10 milliards d'euros spécifiquement pour les soins directs du diabète, mais beaucoup plus si l'on tient compte de tous les effets induits et toutes les complications associées à cette maladie, Anne Fagot-Campagne. Alors en effet, dans nos travaux, donc sur 158 milliards d'euros que l'on peut chaîner à une personne dans notre système d'information, 8,1 milliards sont directement, c'est-à-dire 5%, sont directement dévolus au diabète, dont 1,3 milliard sur les médicaments antidiabétiques eux-mêmes. Et si on ajoute les complications rénales et les complications cardiovasculaires, on monte en effet à des sommes beaucoup plus importantes, jusqu'à 13 milliards donc, d'euros attribués au diabète. Si on reste sur ces 8 milliards d'euros simplement qui sont directement attribuables au diabète en 2015, nos projections estiment qu'en 2020, ce montant sera de 9 milliards d'euros, donc une augmentation très importante, alors que la fréquence elle-même de la maladie aura progressé, puisqu'actuellement on compte 3,6 millions de personnes diabétiques et qu'on estime qu'en 2020 il y en aura 4,1 millions du fait de la croissance de la pathologie, de la fréquence croissante de la pathologie, mais aussi du vieillissement et de la croissance de la population elle-même. Jean-Pierre Yveline, ces chiffres sont assez inquiétants et la perspective n'est pas très réjouissante. Alors, c'est vrai que la perspective n'est pas très réjouissante quand on entend ces chiffres, mais il faut savoir qu'on a quand même une chance, c'est que les catastrophes qu'a annoncé Anne tout à l'heure, c'est-à-dire les infarctus, les hémodialyses, etc., ça pourrait affoler un petit peu le public qui nous entend, mais en fait, il faut savoir que toutes ces catastrophes, elles sont évitable. C'est-à-dire qu'on peut éviter d'arriver à ces extrémités. Et quand un jeune diabétique arrive à l'hôpital devant la découverte de sa maladie, nous leur disons aujourd'hui, eh bien, tout ce que vous lisez dans les bouquins des complications catastrophiques que vous verrez sur Internet, vous pouvez les éviter et de ne rien avoir et d'avoir une espérance de vie qui est comparable à la population générale. Et pour cela, il faut revenir à une hygiène de vie, à une activité physique, à une alimentation adaptée. Et c'est pas seulement en le disant aux patients qu'on le fait, c'est en les accompagnant avec les programmes tels que ceux initiés précédemment. Eh bien, avec ça, eh bien, non seulement on a on prévient la survenue de toutes ces complications, mais on prévient d'autres catégories de complications qui ne sont pas forcément liées au diabète. Là, vous parlez de quel type de diabète ? Alors, je parle essentiellement du diabète de type 2. Parce que, comme on l'a vu, le diabète de type 1, c'est une maladie minoritaire, à part, qui survient chez des jeunes qu'on ne sait pas encore détecter en amont, et quand bien même on saurait les détecter, qu'on ne sait pas encore tout à fait prévenir. Anne Fagot-Compagnon. Mais sur le suivi, les examens de suivi restent les mêmes pour le diabète de type 1 ou de type 2. Et ceux-là, ils sont fondamentaux. Il faut que chaque personne connaisse son niveau d'hémoglobine glycée. L'hémoglobine glycée, donc, c'est la quantité de sucre qui s'est fixée sur l'hémoglobine dans les globules rouges et qui correspond à une moyenne, disons, de ce qui a circulé en termes de sucre dans le sang pendant les 2 à 3 derniers mois. C'est différent de ce taux de 1,26 grammes par litre. Voilà. On est plus sur une moyenne. On le mesure avec une prise de sang, hein, une moyenne sur les 2 à 3 derniers mois. Et c'est là où l'objectif doit être fixé avec le diabétologue. Donc l'objectif doit être de faire au moins 2 mesures par an, mais aussi de pouvoir dépister les complications très précocement, parce qu'on peut justement agir dessus très très rapidement aujourd'hui. Avec un fond d'œil réalisé tous les 2 ans au moins, on peut réaliser des actes de laser pour cautériser, disons, la rétine avant qu'il y ait des soucis, en dosant l'albumine dans les urines sur un simple échantillon. C'est quelque chose qu'on doit faire tous les ans. On peut savoir si on est à risque de développer une maladie rénale et donner des médicaments qui vont pouvoir prévenir cette maladie rénale et bien contrôler l'hypertension artérielle. Or, cet examen n'est réalisé actuellement que chez un tiers des personnes diabétiques. Donc, on a un programme qui s'appelle le programme SOFIA à l'assurance maladie. On a déjà 800 000 adhérents à ce programme. Ce programme vise à apporter une aide, un soutien téléphonique ou par document envoyé par voie postale pour les patients, pour qu'ils puissent gérer leur rendez-vous, se souvenir qu'il faut faire ces examens-là, être acteur de leur propre santé. Et on propose aussi, bien sûr, un coaching sur le tabac, l'arrêt du tabac, la prise en charge nutritionnelle, etc. Eh bien, merci beaucoup à nos deux invités, Anne Fagot-Compagnon et Jean-Pierre Rivlin, d'avoir participé à cette émission. Et merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Céline Lozen, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc et Ève Etienne, Hugo Bartholoméi, Antoine Beauchamp, Elisabeth Miro à la réalisation, Jean-Frédéric à la technique et Jean-François Souvilly au droit d'auteur. Rendez-vous dès demain pour la méthode scientifique où nous parlerons des dernières nouvelles du soleil. D'ici là, vous avez rendez-vous avec Du Grain à Moudre à 18h20 sur le thème « Les médias ont-ils tiré les leçons des attentats ?» À 17h, LSD, la série documentaire est consacrée cette semaine à la relation soignant-soigné. Donc nous étions pas très loin de ce thème. Aujourd'hui, la fabrique des médecins.